ça. Ça, c'est tout à fait ce que j'aime. Disons que c'est accessible pour les bourrins. La drogue, c'est pas bien. La drogue, c'est pas bien. Just wanna be. Stop the rest of my natural stuff. Lui, s'il prend pas de la drogue, c'est obligé. Sex, rock and roll. J'ai commencé à tirer par les jeux. Ça sort pas.